Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la bataille de Dien Bien Phu. Le 7 mai 1954, au terme de 57 jours et 57 nuits de combat, furieux et sanglant, la France concède en Indochine sa plus grande défaite militaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Livrés à eux-mêmes, à plus de 12 000 km de la métropole, dans un camp retranché situé au beau milieu de la jungle, les soldats du corps expéditionnaire français vont se battre jusqu'à la dernière balle. Puis, à mesure qu'un profond silence s'abat sur leur forteresse assiégée, artilleurs, commandos parachutistes, soldats coloniaux et autres gradés sortent de leur cachette, de fortune, sous le joug de l'ennemi. Déroute stratégique, à laquelle s'ajoute un bilan humain terrible. La capitulation française à Dien Bien Phu marque aussi un tournant décisif dans la politique étrangère de notre pays sur l'épineux sujet de la colonisation. Enfin, cet épisode va servir de matrice pour les autres mouvements indépendantistes partout à travers le monde. Notre invité aujourd'hui, l'historien Hugues Tertret, fondateur du Centre d'Histoire de l'Asie Contemporaine, Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur l'Indochine, Le Dernier Regard sur l'Indochine, 1945-1954, est paru en 2015 aux éditions Gallimard. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. En Indochine, les forces franco-vietnamiennes ont pris une nouvelle fois l'offensive. Voici les images du coup d'audace de Dien Bien Phu, au cours duquel des milliers de parachutistes ont été largués au cœur même du dispositif Viet Minh en pays Thaï. La lutte pour la possession de la cuvette fut à la fois rapide et violente. L'ennemi dut promptement se replier sur les collines environnantes. C'est pour faire de Dien Bien Phu le centre d'un nouveau maquis que le général Cogny a lancé l'opération Castor. Vendredi 20 novembre 1953. En début de matinée, les hommes du corps expéditionnaire français sautent par vagues entières sur un petit village situé au nord-ouest de l'Indochine. Nous sommes ici à 200 km de Hanoï, non loin de la frontière avec le Laos, à quelques encablures de la Chine. Vu du ciel, l'endroit révèle au premier coup d'œil sa particularité stratégique. Dien Bien Phu est au centre de la seule vallée de toute la région. Longue de 17 km de large et de 5, cette grande zone plane est recouverte de rizières et de champs. Traversée par une rivière, elle dispose d'un petit aérodrome abandonné. Le site est entouré par une multitude de collines grimpant vers des sommets boisés. La jungle, elle, enveloppe les alentours et donne à l'endroit un côté menaçant. Décidée à la hâte par l'état-major français en Indochine, l'opération Castor, c'est son nom, a pour objectif de bâtir à Dien Bien Phu un centre de commandement opérationnel avancé. Sur le terrain, les deux divisions parachutées, celle du génie et l'autre de la Légion, emmenées par le commandant Bijard, exécutent les ordres avec zèle. Ils nettoient la zone à coups de tir de mortier, de rafales de mitrailleuses lourdes et lancent des grenades. Et au soir du vendredi 20 novembre 1953, après une journée de combat sans grande résistance adverse, le drapeau français flotte au-dessus de la jungle indochinoise. L'envoyé spécial de Radio France, Yves Déjac, rencontre deux jeunes soldats de la Légion. Allô Radio Française, ici Yves Déjac qui vous parle de Dien Bien Phu, ex-territoire Viet. J'ai actuellement près de moi deux des premiers parachutistes qui furent droppés des Dakotas de la première vague. La bagarre a commencé à quelle heure? Vous avez sauté vers quelle heure? 10h30 le matin. 10h30 le matin. Ça s'est poursuivi jusqu'à quelle heure le soir? Jusqu'à 5h. Et alors à ce moment-là, à 5h, vous avez récupéré vos camarades qui sautaient en dehors de la DZ, vous avez ramassé vos blessés, vous avez ramassé les gens qui ont été mis hors de combat immédiatement, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Alors, racontez-nous votre dernière sortie. Ben voilà, nous devons partir pour un village et sur la piste, le commando de tête s'est fait accrocher. Nous, commando de queue, nous étions face à une piste et à peu près un quart d'heure après, les Viet se sont pointés. Et bien écoutez, je vous remercie tous les deux et je vous souhaite une bonne fin de campagne. Au revoir. En l'espace de quelques jours, Dien Bien Phu et ses environs se transforment en un vaste chantier à ciel ouvert. Première priorité pour le commandement français, remettre en état les pistes du terrain d'aviation pour permettre aux avions de transport lourd venus de Hanoï d'acheminer hommes, vivres et matériel. Deuxième priorité, établir un périmètre de défense tout autour du camp. On donne donc l'ordre aux soldats du génie de creuser un vaste réseau de tranchées et on installe des rideaux de barbelés. Mis à contribution, les paras enterrent plusieurs centaines de mines dans les champs environnants. Cœur névralgique de la base, la piste d'aviation et le centre des opérations, ils sont protégés par quatre positions fortifiées au nom de code féminin, Eliane, Huguette, Claudine et Dominique. À cela s'en ajoutent cinq autres, construites sur les collines environnantes. Un ensemble qui fait de Dien Bien Phu une citadelle imprenable, comme en témoigne ce reportage de l'ORTF. Ainsi, au moment où le Viet Minh désire employer ses grandes unités, la forteresse de Dien Bien Phu s'impose comme un obstacle difficile, puissamment défendu, aux liaisons assurées. Sur toute la région pèsera la menace de son intervention. Elle permettra aux jeunes troupes nationales vietnamiennes de montrer leur valeur, comme à Tho Truong et à Bac Lieu. Au centre de commandement, le général De Castries analyse sur une carte les mouvements des troupes ennemies. Aux dernières nouvelles, une patrouille a aperçu à la jumelle des mouvements suspects dans la jungle. Militaire de carrière, homme respecté et admiré, Castries demeure persuadé que son Dien Bien Phu est une citadelle invulnérable. Et aux quelques journalistes sceptiques, qui lui rappellent que la base tout de même est située au fond d'une cuvette, Castries et plusieurs colonels répondent avec condescendance, comme en témoignera plus tard la journaliste Brigitte Friand, présente sur place. Je me souviens par exemple de ce pauvre colonel Pirotte, là sur place, à Dien Bien Phu. Plusieurs personnes, dont moi, toujours, on me pardonnait beaucoup de choses parce que tout le monde me connaissait bien, j'étais une femme. Alors je lui avais dit, écoutez, mon cher colonel, tout de même, les Viettes sont sur les collines, ils vont nous tirer dessus en tir tendu ou en tir plongeant. Comment m'avait-il dit, ma pauvre petite Brigitte, si j'étais votre père, je vous flanquerais une fessée. Les Viettes ne pourront jamais tirer en tir tendu et en tir plongeant. À quelques centaines de mètres de l'autre côté de clôture barbelée, tapis dans l'ombre de la jungle, l'ennemi est là. Plusieurs centaines de jeunes hommes attendent leur heure dans la moiteur de la jungle. Eux, ce sont les soldats du Viet Minh. Voilà bientôt 8 ans que ce mouvement d'obédience communiste, avec à sa tête le charismatique Ho Chi Minh, se bat pour arracher l'indépendance de son pays. Si au début, les soldats du corps expéditionnaire français écrasaient grâce à leur puissance de feu ce modeste adversaire depuis plusieurs mois, le rapport de force est inversé. Armé, formé et soutenu par la Chine communiste de Mao, le Viet Minh a abandonné les opérations de guérilla pour se livrer à une véritable guerre. Une guerre de position. Ses commandos, agiles et mobiles, s'infiltrent partout sur le territoire indochinois. Grâce au soutien volontaire ou contraint de la population, les hommes du Viet Minh grignotent jour après jour des quartiers dans les villes, des villages entiers, ou prennent possession des centaines de routes de campagne. Conséquence, en cette fin d'année 1953, à l'exception de la zone du delta du fleuve Rouge au nord, de la plaine côtière du centre et du delta du Mékong au sud, l'armée française a déjà perdu le contrôle de la grande majorité du territoire indochinois. À la tête de cette armée qu'on estime à plusieurs dizaines de milliers de combattants, on trouve le général Giap. Ancien instituteur, stratège, autodidacte et admirateur de Napoléon, l'homme sait qu'une offensive mal préparée pourrait s'avérer désastreuse pour ses troupes. Francophone, le général Giap accordera quelques années plus tard une interview à l'ORTF. La principale force de notre armée réside dans le moral, dans l'esprit combatif du soldat et dans le soutien illimité de la population. Et puis, dans la technique. Deux facteurs. Un facteur primordial, un facteur moral. Alors nous sommes fiers du moral élevé de notre armée. Maintenant aussi. Janvier 1954, un mois et demi après l'opération Castor, la situation reste très confuse partout sur le territoire indochinois. À Dien Bien Phu, soldats français, soldats du Viet Minh s'observent, s'épient, se guettent. Dans un camp comme dans l'autre, on tente de déterminer la stratégie de l'adversaire. Côté français, l'objectif du corps expéditionnaire était au départ de s'implanter ici pour bloquer l'avancée des soldats du Viet Minh vers le Laos. Mais désormais, le général Navarre, tout juste promu à la tête du contingent, a une toute autre ambition. Pressé par sa hiérarchie à Paris de trouver une porte de sortie à un conflit coûteux, tant en hommes qu'en matériel, Navarre veut affronter Giap et ses soldats sur un terrain où il pense avoir l'avantage. Et ce terrain, en l'occurrence, c'est Dien Bien Phu. Grâce aux interceptions des liaisons radio réalisées par les agents du SDEC, le contre-espionnage, le général Navarre sait que le Viet Minh achemine dans la zone ses meilleures divisions. Il en déduit alors que Giap se prépare au combat. En réaction, le chef du corps expéditionnaire français tente de le prendre à revers. En quelques jours, ce sont ainsi plus de 5000 soldats français qui débarquent sur l'aérodrome de Dien Bien Phu, portant le nombre total du contingent à presque 20 000 militaires. Le camp retranché se transforme alors en une base aéroterrestre. En Indochine, cependant, avec l'ouverture de la campagne d'hiver, la lutte s'intensifie. Tandis que le pont aérien de Dien Bien Phu renforce sans arrêt les défenses de la cuvette, les forces du Moyen Laos doivent faire face à une violente offensive du Viet Minh. La garnison de Takeb sur le Mekong a dû décrocher à travers la jungle pour concentrer l'effort de résistance plus au sud vers Seno et Sanavaquet. Les deux divisions que le général Giap a lancées dans cette offensive ont, en atteignant le Mekong, coupé provisoirement l'Indochine en deux. Qui peut alors se douter parmi l'état-major français qu'en voulant attirer l'ennemi dans un piège, les Français ont mis le pied dans un engrenage infernal. Deux ans plus tôt, à Nansan, ils avaient certes obtenu une victoire éclatante sur le Viet Minh. Après avoir incité l'adversaire à attaquer une position déterminée, les Français avaient épuisé leurs adversaires grâce à un pont aérien. À Dien Bien Phu, Navarre veut reproduire le même scénario. Mais côté géographie, côté terrain, Dien Bien Phu n'est pas Nansan. Les aviateurs ont d'ailleurs prévenu le général. Dien Bien Phu est beaucoup trop loin de Hanoï pour assurer une bonne rotation des appareils. Et puis, le plafond nuageux y est très bas, ce qui rend les bombardements, les parachutages ou les largages de matériel très incertains. Enfin, la météo semble, elle aussi, avoir été négligée par l'état-major français. Dans cette partie de l'Indochine, en effet, la saison des pluies arrive très tôt dans l'année. Et avec elle, il sera quasiment impossible d'atterrir sur une piste inondée. Au même moment dans la jungle, tout autour de Dien Bien Phu, dans les rangs du Viet Minh, le général Giap mobilise ses troupes, plus de 35 000 hommes. À cela s'ajoutent plus de 100 000 paysans réquisitionnés qui se relaient de jour comme de nuit pour transporter sur leur vélo, par exemple, des pièces d'artillerie lourde, des sacs de riz et des caisses de munitions. Si bien qu'à la mi-janvier, le Viet Minh réussit, dans le plus grand secret, à installer des canons sur certaines des collines avec, dans leur ligne de mire, bien sûr, le camp français et la piste d'aviation. Lundi 25 janvier, en fin d'après-midi, une pluie fine s'abat sur toute la région de Dien Bien Phu. Au même moment, à plusieurs milliers de kilomètres en Europe, à Berlin, diplomates occidentaux, soviétiques et chinois vont allumer la mèche aux futurs événements qui vont se dérouler en Indochine, comme l'expliquera plus tard l'historien Laurent Henninger. La décision des grandes puissances de convoquer pour le printemps une conférence internationale à Genève, dans le but de régler définitivement le sort de la Corée et la question indochinoise, a pour conséquence d'obliger dirigeants français et représentants du Viet Minh à bouleverser leur calendrier et à engager le combat. Ho Chi Minh sait qu'une victoire sur le terrain aurait un impact décisif pour arriver en position de force à la table des négociations. Pour le président du Conseil, Joseph Laniel, la victoire est elle aussi impérative. D'une part pour ne pas perdre la face vis-à-vis de ses alliés, mais aussi et surtout pour pouvoir imposer une sortie honorable à la France dans un conflit qui, chacun le sait alors, ne peut plus être gagné. Fin stratège, le général Giap prépare un coup de bluff. Le 25 janvier, Alors que les Français s'attendent à une attaque imminente de la part du Viet Minh, Diap prend tout le monde de court et envoie une partie de ses troupes d'élite combattre un peu plus loin, au Laos. Le général Navarre croit alors au succès de sa stratégie. En réalité, c'est une diversion, car dans la jungle, les soldats vietnamiens continuent leur travail de fourmi. Ils creusent et déploient des canons de 105 mm, des armes capables de perforer n'importe quel blindage. Pire pour les Français, les hommes de Diap resserrent leur étau grâce à un réseau de plus de 350 km de tranchées et de pièges qui isolent la forteresse du général de Castries du reste du monde. Voilà, le compte à rebours est lancé. La plus grande bataille de la guerre d'Indochine peut commencer. Samedi 13 mars, il est un peu plus de 17h lorsqu'une pluie d'obus s'abat sur Dien Bien Phu. Dans le camp, la surprise est totale. Les soldats se ruent à leur poste de combat. Tout autour d'eux, des balles de mitrailleuses sifflent, le sol tremble, les détonations succèdent à un rythme effréné. Depuis les fortifications, les Français distinguent des lueurs jaunes orangées au sommet des collines avoisinantes. Aucun doute, ce sont les canons ennemis. En réaction, le général de Castries donne l'ordre de pilonner les sommets. Mais faute de cibles précises, les obus français ne font que peu de dégâts chez l'ennemi. Dans le même temps, les soldats du Viet Minh, eux, atteignent un à un tous leurs objectifs. Très vite, certains postes avancés n'ont plus de liaison radio, ni même d'électricité. Certains chefs de brigade se retrouvent livrés à eux-mêmes. Face à la marée humaine Viet Minh qui s'avance vers le premier rideau défensif, les soldats français font feu. Castries et ses hommes utilisent près d'un tiers de toutes leurs réserves de munitions. Et puis, alors que la nuit tombe sur Dien Bien Phu, on entend soudain le bruit des bombardiers venus de Hanoï. Les appareils déversent une salve d'engins explosifs et de napalm sur les foires avoisinantes. Ils larguent aussi du matériel et des vivres. Mais faute d'indications précises, une grande partie de ravitaillement tombe entre les mains de l'ennemi. Les combats vont durer une partie de la nuit. Au petit matin, Dien Bien Phu n'est plus qu'un champ de ruines, jonché de cadavres. Au même moment, à Saïgon, QG des forces françaises en Indochine, le général Navarre réunit en urgence son conseil de guerre. Autour de la table, les mines sont graves. L'embarras se lit sur les visages. Personne ici n'avait imaginé que le général Diap et ses hommes du Viet Minh pourraient installer une telle puissance de feu sur les collines autour de la base. Alors, face à l'ampleur des pertes, Navarre met en place un pont aérien pour ravitailler Dien Bien Phu en hommes et surtout évacuer les blessés. Tous les soldats disponibles embarquent à bord d'avions de transport Bakota. Parmi eux, les membres du 6e bataillon parachutiste coloniaux, l'unité des paras emmenée par le commandant Bijard. Au micro de France Culture, ce même Marcel Bijard, surnommé Bruno, racontera plus tard l'arrivée à Dien Bien Phu. Donc on saute à Isabelle. C'est le poste tout à fait au sud, à 5-6 km, autant que je me rappelle, de Dien Bien Phu. Je saute à Isabelle et les obus arrivent. Je vois encore la chaleur, un ciel très clair et des obus explosant. Là. J'ai un type qui a un bras arraché, d'autres blessés. Je fais des zigzags pour éviter de prendre un obus. Et puis on arrive, après bien des difficultés, à Dien Bien Phu. Où je vois personne, Alors tout le monde est dans les abris, au fond des abris. On voit le cinéma. Alors on m'envoie sur Eliane 4 avec mon bataillon, un piton où il n'y a rien. Faut faire nos trous nous-mêmes sous les obus. Moi je fais vite un trou, mes hommes aussi. Et on se retrouve sur le piton d'Eliane 4 qui est tenu côté Viet Minh par le commandant Botella, un type formidable, un bon copain, qui a un bataillon de Vietnamiens lui. Alors il vient me voir, Botella, il m'amène une soupe chaude et il me dit « Bruno, tu vas voir, c'est un beau bordel. » J'ai dit « Oui, on m'a prévenu. » Le 17 mars, après 4 jours de combat sans interruption, certaines positions fortifiées, Béatrice, Gabriel, Anne-Marie, sont tombées entre les mains des Viet Minh. Diap et ses hommes ne sont plus qu'à 900 mètres du centre des opérations. La piste d'aviation, véritable poumon de la base, se retrouve sous le feu des canons. Elle devient vite impraticable. De leur côté, les militaires français se rassemblent par petits groupes et mènent, de nuit, des opérations de contre-offensive depuis leurs tranchées. Ils gagnent 50 mètres, puis en repèrent 100. Leurs efforts paraissent illusoires. Depuis Saïgon, le général Navarre envoie un message secret à l'attention de certains ministres et hauts gradés en métropole. Le chef du corps expéditionnaire français explique que, malgré le sacrifice de ses hommes, le sort de Dien Bien Phu est presque scellé. Ce qui veut dire tout simplement que la bataille est déjà perdue. Pendant ce temps, écrasés par des milliers d'obus, combattants français et vietnamiens continuent leur lutte à mort dans une plaine devenue bourbier. Dien Bien Phu était au départ la forteresse soi-disant imprenable des militaires français. Elle se transforme d'heure en heure en tombeau. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Oh, toi, que nous dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait, toi qui me parles d'elle, de ces nuits de de ce désir-là, de ce désir-mort. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Dien Bien Phu, la cuvette encerclée du pays Thaï, viennent d'arriver ces images, prises à quelques heures de l'assaut général du Viet Minh par deux reporters qui devaient être blessés au cours de l'engagement. Il s'agit là d'un des raids les plus violents lancés du camp retranché pour desserrer la pression Viet Minh. Progression difficile sur un terrain abrupt et à chaque pas suspendu par des éléments Viet perchés dans les arbres ou cachés dans les trous. Le général Giap y a engagé 40 000 hommes et toute son artillerie afin de remporter un succès important avant l'ouverture de la conférence de Genève. À Dien Bien Phu, c'est la plus violente bataille de la guerre d'Indochine qui est commencée. Vendredi 26 mars 1954. Après plus de deux semaines de combat, la plaine de Dien Bien Phu ressemble désormais à un charnier, avec ses trous d'obus, ses cadavres, ses restes de véhicules à moitié calcinés ou ses bâtiments en partie rasés. Sur place, la situation du corps expéditionnaire français demeure dramatique. Harcelés par les tirs ennemis, les soldats sont toujours disséminés par petits groupes ici et là, dans la boue, en position de repli. Et ils ne peuvent compter que sur la nuit pour pouvoir aller hors de leurs tranchées et récupérer, au péril de leur vie, vivres, munitions et matériel largués par l'aviation. Depuis le début de l'offensive Viet Minh, le commandement à Saïgon estime qu'un millier d'hommes auraient perdu la vie côté français. Sur place, les blessés se comptent par centaines. Certains attendent toujours d'être évacués vers Hanoï pour y être soignés. Mais en ce début de printemps, la pluie et le vent balayent le nord de l'Indochine, rendant impossible toute tentative d'atterrissage des avions. À l'infirmerie, construite en sous-sol, le docteur Grovin tente de recoudre, suturer, nettoyer les plaies. Il réalise des opérations sans anesthésie. Il scie à la main les membres gangrénés. Les moyens à sa disposition sont dérisoires. Et pourtant, chaque jour, il se bat contre la mort. Malgré le dévouement du personnel, pour la plupart des anciennes prostituées vietnamiennes, l'infirmerie avec ses piles de cadavres ressemble de plus en plus à une catacombe lugubre qu'à un centre de soins. Dans certaines chambres, les blessés sont couchés à même le sol sur des restes de parachutes qui font office de matelas. Mars. Après 10 jours de pluie ininterrompue, le soleil fait pour la première fois son retour au-dessus de Dien Bien Phu. Le général de Castries appelle alors à l'œil et hurle qu'on envoie au plus vite des avions de transport pour rapatrier les blessés. Dans la nuit du 26 au 27 mars, un premier appareil se pose, en catastrophe, au bout de la piste. Mais à cause d'un problème radio, les ambulances, avec à leur bord les blessés, ne sont pas au point de rendez-vous. Les minutes passent, immobile, l'avion devient une cible facile pour les soldats des Viet Minh. Après quelques instants d'hésitation, le pilote reçoit enfin l'ordre de redécoller. Au même moment, devant lui, des jeeps avec une croix blanche font des appels de phare, mais il est trop tard. L'appareil quitte le sol et met le cap sur Hanoï. Opération de sauvetage, échec. Le lendemain, à 4h15 du matin, nouvelle tentative. Un C-47, avec à son bord une jeune convoyeuse de l'air de 28 ans, Geneviève de Galard, se prépare à atterrir. Mais rien ne va se passer comme prévu. Elle témoigne. Quand nous nous sommes posés, la nuit était très très sombre, la piste était mouillée, la visibilité était mauvaise, et par deux fois le pilote a essayé de se mettre dans l'axe de la piste, et par deux fois il a eu l'impression qu'il n'était pas exactement dans l'axe, il a remis la gomme, et à la troisième tentative, il a vraiment eu une volonté de se poser. Malheureusement, et là, il est légèrement sorti de la piste et il a heurté un piquet de barbelés qui a perforé le réservoir d'huile. Et nous avions déjà chargé les blessés quand le mécano, qui, ayant senti le choc, avait fait le tour de l'avion pour vérifier s'il n'y avait pas des dégâts importants, est revenu. Il nous a dit... Le réservoir d'huile a été touché, la pression d'huile est à zéro, il est impossible de repartir. Avec un radiateur hors d'état, impossible en effet pour le pilote de redécoller. Geneviève Galard se retrouve à son tour piégée dans l'enfer de Dien Bien Phu. Et son immersion est brutale. La première nuit, elle découvre les bombardements enterrés dans un couloir de l'hôpital souterrain. Pendant presque deux mois, Geneviève Galard va rester enfermée dans l'infirmerie et va apprendre à vivre avec pour seule lumière celle des néons. Au chevet des amputés, des traumatisés crâniens et autres blessés à l'abdomen, elle va prodiguer soins, écoute et surtout compassion. Un épisode qui lui vaudra après coup le surnom d'ange de Dien Bien Phu. Au même moment, de l'autre côté, dans les rangs de Viet Minh, Ho Chi Minh et le général Giap estiment que le rapport de force à Dien Bien Phu leur est désormais très favorable, après de 5 soldats vietnamiens contre 1 français. Avec les récents ravitaillements en vivres et en armes des Chinois, ils peuvent continuer le combat. Pourtant, les deux hommes affichent une mine inquiète. Car depuis quelques jours, une étrange rumeur circule dans la presse internationale. On raconte qu'à Washington, le président Eisenhower, conscient de l'implication des communistes chinois dans la bataille de Dien Bien Phu, pourrait décider d'intervenir à son tour, afin, comme il le dit, d'éviter que le domino vietnamien ne tombe pas dans le giron de Moscou. La décision américaine fait craindre alors une extension du conflit. Pourtant, et pour l'instant, il n'en sera rien. Malgré l'insistance de l'Élysée, la Maison-Blanche va botter en touche sur le sujet de l'Indochine, sans doute peu encline à intervenir dans une affaire qui ne la concerne pas. Sur place, des appareils de la CIA apporteront toutefois une aide officieuse et précieuse pour les opérations de bombardement et pour les missions de parachutage français. Le 30 mars, certain désormais que les Américains ne mettront pas leur grain de sel dans la bataille, le général Diap lance un second assaut contre le camp français de Dien Bien Phu. De nouvelles positions fortifiées tombent aux mains des soldats du Viet Minh. Sur place, le général de Castries sait que la situation est désespérée. Et pourtant, lui et ses hommes continuent à se battre jusqu'à la fin. Au même moment, les Vietnamiens entrent dans la dernière phase de leur opération, l'étouffement. Au fil des semaines, ils rétrécissent le périmètre autour des positions françaises. Centimètre par centimètre, les hommes de Giap se rapprochent. Au micro de France Culture, le colonel Butine revient sur l'aspect stratégique de cette bataille. La nouvelle tactique, c'est petit à petit. C'est l'engouement avec la pelle, le creusement des tranchées pour petit à petit. Et on approche, on encercle et aussi on donne la rupture entre les zones différentes. Et après seulement, c'est l'offensive générale. Vendredi 7 mai, Après 57 jours et 57 nuits de combats acharnés, le soleil se lève sur les ruines de Dien Bien Phu. Comme chaque matin, le général de Castries rassemble les gradés encore en vie pour faire le bilan des parachutages de la veille. À la jumelle, le général aperçoit les soldats ennemis qui prennent place autour de la piste d'aviation. Et cette fois, il comprend que tout est terminé. Alors, que faire? Se rendre? Non. Personne dans le camp français ne semble décidé à abandonner. Chacun veut prendre les armes et pas rendre les armes, et se battre jusqu'au bout, pour l'honneur. Chacun veut croire qu'il tiendra une journée de plus. Castries appelle alors son supérieur, le général Cogny, chef du corps expéditionnaire français pour la région du Tonkin. Au bout de la ligne, celui-ci semble désemparé. Ce sera l'une des dernières conversations radio depuis le metteur français à Dien Bien Phu. Allô ? Allô ? Oui, vous m'en parlez, mon général ? Oui, le maximum de possibilités. C'est d'arrêter l'ennemi sur la Namium. Oui. C'est ça ? Et encore faut-il que nous tenions la rive est, car sans ça, nous n'aurons plus d'eau. Oui, bien sûr. C'est ça ? Alors, je vous propose d'essayer, je vais essayer de réussir ça, mais oui. Je viens de voir l'anglais, tout ça, d'accord là-dessus. Oui. Et puis, mon Dieu, bien, j'essaierai à la faveur des circonstances, de faire filer le maximum de moyens vers le sud. Bon, entendu. Et j'ai besoin de votre accord pour le faire. D'accord, mon vieux. Vous me donnez cet accord? Je vous donne un accord. Allez, au revoir, mon vieux. Au revoir, mon général. Au revoir, mon vieux. À 17h30, ce vendredi 7 mai 1954, un étrange silence abat sur Dien Bien Phu. Les soldats du Viet Minh constatent que les Français ne répliquent plus à leur tir. Ils envoient alors deux unités en éclaireur à l'intérieur du camp retranché. Sur place, les hommes de Giap découvrent les conditions dantesques dans lesquelles s'étaient réfugiés Castries et le reste de ses hommes. À l'issue d'une ultime journée d'affrontement, les derniers survivants rendent les armes et tous sont faits prisonniers. À l'infirmerie, Geneviève de Galard est elle aussi emmenée, elle sera par la suite libérée. On ne l'apprendra que bien plus tard, mais c'est lors d'un ultime échange radio que le général Cogny donne l'ordre à Castries de mettre un terme à une bataille devenue boucherie. Le bilan humain est en effet effroyable. Côté français, on dénombre plus de 2700 morts, 11 000 soldats prisonniers et seulement 3300 qui reviendront de captivité. Côté Viet Minh, on estime que les pertes avoisinent les 8000 soldats, dont un nombre inconnu de blessés. Conséquence de cette débâcle, à Paris, le président du Conseil, Joseph Laniel, démissionne. Deux mois plus tard, à la mi-juillet, son successeur Pierre Mendès France part négocier à Genève une reddition honorable en Indochine. Face à lui, le chinois Chuen Lai est le président du Viet Minh. Au terme de négociations évidemment compliquées et dont l'issue réelle est surtout liée aux pressions exercées par Pékin et Moscou, le Viet Minh accepte une partition du pays à hauteur du 17e parallèle. Au nord, sur toutes les cartes du monde, figurera désormais le nom de République démocratique du Vietnam, régime communiste emmené par Ho Chi Minh. Au sud, ce sera la République du Vietnam, libérale et elle, démocratique. Deux états ennemis dont l'animosité va être bientôt à l'origine d'un conflit terrible sur fond de guerre froide. Toujours est-il que le 9 octobre 1954, le dernier avion militaire français décolle de l'aérodrome militaire de Hanoï. Dans la foulée, Ho Chi Minh est accueilli en héros dans la nouvelle capitale du Nord-Vietnam. Après un demi-siècle d'une histoire mouvementée, la France tire donc un trait sur l'Indochine. Et le Vietnam célèbre son indépendance. Quand Vietnam s'appelait Indochine, écoute-moi. Il y avait déjà la guerre, écoute-moi. Et des enfants le cul par terre, tout nu en larmes dans la poussière, pleuraient sur toutes les photos dans les journaux. Pleuraient sur toutes les photos dans les journaux. Y a-t-il 20, 30 ou 100 ans? Écoute-moi, peut-être aussi bien 10 000 ans. Écoute-moi, il y a toujours eu la guerre et des enfants dans la poussière. On n'a pas écrit leurs sanglots dans les journaux. On n'a pas écrit leurs sanglots dans les journaux. J'ai entendu une maman, écoute-moi, chanter en berçant son petit, écoute-moi. Il y a toujours eu la guerre, ton héritage d'une terre d'ossements et de trous pleins d'eau. Voilà ton lot, des ossements et trous pleins d'eau. Voilà ton lot. Elle chantait au bord d'une route, écoute-moi. Anaïs Saïgon, la déroute, écoute-moi. Son enfant mort serré contre elle, sa vie en déchire le ciel. Le soleil se couche, il fait beau, et la radio. Le soleil se couche, il fait beau, dit la radio. Les enfants de toutes les couleurs feraient comme un bouquet de fleurs, jaunes et blancs, rouges et noirs. Les enfants de toutes les couleurs feraient comme un bouquet de fleurs, et ça s'appellerait l'espoir. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la bataille de Dien Bien Phu, notre invité, l'historien Hugues Tertrais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du Centre d'Histoire de l'Asie Contemporaine, Université de Paris, un Panthéon Sorbonne, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur l'Indochine. Le dernier, intitulé « Regards sur l'Indochine, 1945-1954 », est paru en 2015, chez Gallimard. Alors, on a tendance à l'oublier, mais la présence française en Indochine s'étend sur une longue période, plus d'un siècle, si on remonte au premier comptoir marchand. Mais quel était le rôle des militaires français sur place? Et les deux questions sont dans la même. D'ailleurs, l'Indochine était-elle une véritable colonie, comme l'Algérie par exemple? Alors effectivement, la présence française est très ancienne sur place. Elle remonte même au XVIIe siècle avec des missionnaires, des commerçants, des marins, etc. Mais c'est dans la seconde moitié du XIXe siècle que l'installation coloniale s'est faite. Au fond, quand Dien Bien Phu tombe, donc 1954, ça fait presque 100 ans que les Français étaient sur place. À 4 ans près, je crois, j'allais dire 4 jours. Enfin, bon, c'est très très proche. Et donc, cette installation a été assez longue. Il a fallu 30 ans à peu près pour que l'édifice indochinois, l'Indochine française, se constitue. On a commencé par le sud, la Cochinchine, très vite le Cambodge, puis le reste du Vietnam et enfin le Laos. 30 ans. 30 ans avec une colonie, et c'est ça qui fait peut-être la proximité et la différence avec l'Algérie. L'Algérie était entièrement sous statut colonial. Oui. Au Vietnam, il n'y avait que le sud, la Cochinchine, qui avait ce statut colonial. Et qui donc, le reste, c'était des protectorats. Protectorats, très alors, bien. Au fur et à mesure, pour le Vietnam, les choses se sont un petit peu, comment dirais-je, mélangées. Mais bon, le Cambodge et le Laos sont restés des protectorats, donc leur souverain en particulier en place. Quelle était la qualité, ou la non-qualité d'ailleurs, des rapports entre les métropolitains et les gens d'Indochine et de Cochinchine? Bon, c'était forcément des rapports de domination. Forcément des rapports de domination. Les Français ont voulu faire un gros travail de ce qu'on appelait à l'époque la mise en valeur de l'Indochine. À vrai dire, ce qui les intéressait au départ, c'était que la Cochinchine en particulier, Saïgon, c'était la route de la Chine et ça permettait d'avoir une étape, une escale possible, une base, pour tout dire, ce que les Anglais, nos vieux amis évidemment, avaient, mais nous non. Donc il a fallu trouver cette base et cette base, ça a été Saïgon. Et à partir de quel moment la situation bascule-t-elle dans une lutte pour l'indépendance et la guerre et les armes? En 1945. Pourquoi? Parce que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'abord, le Japon, dont c'est tel programme de chasser les Occidentaux d'Asie, renverse c'est le coup dit du 9 mars, renverse les Français, l'administration française en Indochine, et Donc les Français n'ont plus d'existence officielle sur place. Et le Viet Minh va finir le job, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelait la Révolution d'août, qui est le grand événement pour les Vietnamiens là-bas. Révolution d'août qui renverse effectivement les Français qui étaient en train de revenir et qui prend leur place. Donc cette Révolution d'août au sud, au centre, au nord du pays, qui était dirigée par Ho Chi Minh, dont vous avez déjà bien sûr parlé. Et on va en reparler juste après. Et on va en reparler. Est le moment effectivement décisif. La question de l'indépendance se pose. Alors, Ho Chi Minh, justement, leader du Viet Minh, vous pouvez nous décrire cet homme qui était à la fois un chef, un sage. Il avait utilisé la parabole avec les Américains de l'éléphant et de la petite souris. C'est-à-dire que la petite souris qui monte dans la trompe de l'éléphant, qui va jusqu'à manger le cerveau. C'est comme ça que l'éléphant finit par être terrassé par la petite souris. C'est une parabole du Vietnam et des Américains. Qui est cet homme, Ho Chi Minh? Ho Chi Minh, donc... Il a quitté le Vietnam lui-même assez tôt, j'allais dire très jeune, assez tôt, en 1911, en s'engageant comme sur un bateau français, donc un petit job, comment dirais-je, pour faire le voyage. Il a bourlingué un peu partout dans le monde, et puis surtout en Europe, où il a progressivement rejoint le parti les communistes, le mouvement communiste. Il était au congrès de Tours, congrès de fondation du parti communiste français, fin 1920, et il était très proche de tout ce que la planète européenne en particulier comptait de communistes, à Moscou en particulier, où il a été. Donc, Ho Chi Minh était plutôt le fils d'un lettré... C'est un intellectuel. Oui, c'est plutôt un intellectuel. Plus qu'un militaire. Plus qu'un militaire. D'abord, c'est un surnom. Il a usé un certain nombre de pseudonymes. Et donc, plus qu'un militaire, sans doute. Mais enfin, en même temps, il n'était pas seul. Mais c'était le chef, le héros de ce mouvement d'indépendance. L'incarnation. Et pas seulement l'incarnation, c'était aussi l'organisateur. C'est lui qui a fondé le Parti communiste indochinois, après qu'il se soit quelques mois appelé vietnamien en 1930. C'est lui qui, en 1945, a reproclamé, parce qu'on l'a proclamé plusieurs fois, l'indépendance du Vietnam, reproclamé l'indépendance du Vietnam le 2 septembre, qui est toujours la fête nationale. Et donc, sur une des grandes places de Hanoï, c'est un discours de Ho Chi Minh, effectivement, qui venait de reprendre ce nom. Il était parti en 1911, il est rentré en 1941, quand même. Donc, il a fait une longue période à l'étranger. Et en 1941, il a fondé justement ce Viet Minh, la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, qui a pris le pouvoir, effectivement, en 1945, par l'insurrection, par le mouvement, la Révolution d'août, comme ce nom est resté. Alors, qu'ont fait les Français? Qu'est-ce que c'est que cette histoire militaire, qui semble être une espèce de millefeuille d'erreurs stratégiques? Il y a peut-être aussi une question de personne et de commandement. Comment on en est arrivé là? On l'a raconté dans le récit, mais la plus grosse erreur, c'est d'avoir considéré que cet endroit-là était une citadelle imprenable. C'est une erreur géographique et géostratégique, les deux. La guerre d'Indochine est assez compliquée, du début à la fin. Et la fin, c'est-à-dire Dien Bien Phu, évidemment, n'y échappe pas. La bataille de Dien Bien Phu a été décidée pour des raisons tactiques. Et puis elle est devenue, vous l'avez suggéré tout à l'heure, elle est devenue un lieu stratégique où la guerre allait se défaire. C'est surtout, les Français qui servaient d'encadrement à une troupe pas suffisamment nombreuses, parce que les Français qui ont été envoyés dans un corps expéditionnaire en 1946-47 n'étaient pas suffisamment nombreux. Et donc, on leur a adjoint des troupes venues d'autres régions de l'Empire, des Marocains, des Algériens, des Vietnamiens aussi. Et on a jauni, entre guillemets, l'expression n'est pas fameuse, mais enfin, elle existait à l'époque. On a jauni le corps expéditionnaire. Et donc, les Français restaient l'encadrement de cette troupe, effectivement, un peu hétéroclite, qu'on retrouve à Dien Bien Phu. Un journaliste, passez-moi cette expression, a parlé à propos de Dien Bien Phu. En gros, c'était Barbès. C'est-à-dire qu'il y a toutes les nationalités sont présentes parce qu'effectivement, ce n'étaient pas des immigrants, c'était des recrutés dans le reste de l'Empire. Alors, pourtant, au début, on l'a dit, on le redit, les officiers français étaient plutôt sûrs de leur coup. On va écouter une archive ensemble. Il s'agit du témoignage de Jean Pouget. Il était officier du corps expéditionnaire en Indochine. Il partage l'état d'esprit à Hanoï quelques jours après le début de la bataille, au mois de février 1954. C'est extraordinaire. C'est que plus personne ne Hanoï n'a jugé qu'on pouvait résister à Dien Bien Phu. C'est même très étonnant de voir ça. C'est l'effondrement complet. Depuis le général Cogny qui reçoit les journalistes tous les matins en leur disant « j'avais bien dit, il fallait pas y aller, c'est foutu », jusqu'au dernier des parachutistes, il se dit « merde, je pourrais sauter dans ce merdier », comme ils disent, c'est pas drôle. Ils y sont quand même allés. Voilà, il y a un mélange de Waterloo, des résidents et compagnie. N'empêche que les militaires français, sachant quand même leur position extrêmement difficile, se sont battus jusqu'au bout dans une espèce de bataille qui n'était plus gagnable et qui pouvait générer beaucoup de morts si on se rendait pas. Absolument, mais je crois que de toute façon, moi je ne suis pas militaire, mais tel que je comprends les militaires, quand on commence une bataille, c'est plutôt pour la terminer, et donc, et de préférence pour la gagner. Donc là, malheureusement pour eux, ça ne s'est pas produit ainsi, mais une fois que la bataille était engagée, je veux dire, il était exclu d'abandonner. Dire qu'on était dans un moment de départ, dire qu'on cherchait une solution pour quitter l'Indochine, oui. Mais justement, Dien Bien Phu faisait partie du problème, voire de la solution. Mmh. Donc, cette obstination à rester sur place, c'était aussi que la France, en fait, perdait le contrôle progressivement de la situation. Elle dépensait des dollars, essentiellement, américains. Elle utilisait des hommes qui venaient de tous les coins de l'Empire. Et le poids de la Chine, de l'autre côté, était de plus en plus important. Et donc, c'était, si on veut, une guerre franco-vietnamienne, oui. Mais c'était aussi une guerre beaucoup plus large, impliquant les États-Unis, impliquant la Chine. C'est-à-dire qu'on est dans une guerre de la guerre froide ? On est dans une guerre chaude, dans un contexte de guerre froide ? Absolument. Le contexte, d'ailleurs, est paradoxal, parce qu'on était... Depuis 1953 et la mort de Staline, dans un moment plutôt de détente, il y avait donc deux points chauds sur la planète et en Asie, c'était le Vietnam et la Corée. Et donc, c'est pour régler ces deux problèmes que la conférence de Genève a finalement été réunie en 1954, en commençant par la Corée, en continuant par l'Indochine. Donc La difficulté, je crois que les Français ont rencontré à Dien Bien Phu et en Indochine en général, c'était effectivement les limites de leur volonté de rester sur place dans un conflit dont ils ne maîtrisaient pratiquement plus rien. Alors, guerre froide ou pas, vous savez, la guerre froide c'est souvent un jeu d'alliance entre les puissances de l'Ouest et puis celle de l'Est. On va dire, là il n'y a pas beaucoup d'alliances. Les États-Unis, Eisenhower laisse la France se débrouiller quand même. Tout à fait. Sur le moment, on est dans un moment de détente. Si on élargit un petit peu la focale, et en particulier dans les années qui précèdent, on est quand même dans un moment de très grande tension internationale. En 1949, effectivement, la Chine devient communiste, après la Longue Marche, et puis la résistance contre le Japon. La Chine devient communiste. En Europe, c'est la crise de Berlin. Et donc c'est un moment vraiment paroxystique des tensions et de la guerre froide. Mais ça se calmait un petit peu après la mort de Staline, après 1953. Et on est dans ce moment où les puissances cherchent effectivement à en finir avec ces deux pôles de violence, ces deux taches de sang, si j'ose dire, que sont l'Indochine et la Corée. Et pourtant, il y aura la guerre en Corée avec les Américains, et il y aura la guerre, bien sûr, au Vietnam. C'est quoi le lien entre la guerre du Vietnam, ce qu'on appelle la guerre du Vietnam, celle qui implique les Américains, et la guerre d'Indochine? La guerre du Vietnam, vous voulez dire la seconde? Oui, c'est la seconde, voilà, on va dire comme ça. Non, je crois qu'il y a un lien fondamental, c'est que l'adversaire pour la France puis les États-Unis, ce sont les mêmes. Oui. Ce sont les mêmes. Oui, on retrouve Ho Chi Minh et les Vietmines. Absolument, et les autres. Et donc, ce sont les mêmes, c'est la même guerre qui continue, sauf que ce ne sont pas les mêmes forces physiques qui s'affrontent, notamment du côté occidental. Comment en arrive-t-on au cessez-le-feu du 7 mai? C'est une décision, alors ça peut pas être une décision des militaires, mais des politiques aussi. Qui concerte qui ou qui ne concerte pas qui? C'est un cessez-le-feu si on veut, c'est une capitulation, ouais. Tout simplement. Et donc le 7 mai, effectivement, 54, la France tire le rideau, l'ordre est donné sur place de ne plus se battre, de ne plus tirer. Et de toute façon, c'était fini. Donc les derniers soldats présents cassent leurs armes, caméramen aux armées comme Schoendorfer, par exemple, qui était sur place, cassent leur matériel, voilent leur film, enfin, voient l'essentiel de leur film. Et donc, c'est une décision très locale dans un conflit qui était perdu. Et donc, il fallait capituler. Donc, je crois que c'est un coup de fil de Cogny, je crois, qui effectivement a demandé à De Castres d'en finir. Mais il n'y avait plus rien à jouer. Le cessez-le-feu fondamental, si j'ose dire, c'est l'armistice qui va être négocié à Genève et qui sera du 21 juillet. Alors, on va écouter une dernière archive. On va entendre l'épouse du général de Castries. Et elle s'exprime dans le journal début juin 1954, les actualités françaises, 4 semaines après la fin des combats, et elle dénonce le sort réservé aux militaires français désormais devenus prisonniers de guerre. La veille de la chute de Dien Bien Phu, j'ai eu mon mari au téléphone et il m'a parlé de l'épuisement complet de ses hommes. À la suite du manque de ravitaillement, de l'eau qui leur venait jusqu'à la ceinture et des bombardements incessants. Il est tragique de penser que ces mêmes hommes sont partis sur les pistes dans des conditions épouvantables. Il s'agit de venir en aide non seulement aux prisonniers, mais à tous ceux qui souffrent et qui ont besoin de secours, même chez l'adversaire. Je fais appel à toutes les mères, à toutes les épouses, à toutes les femmes, pour qu'elles alertent l'opinion de leurs pays respectifs et qu'elles obtiennent un secours que seule la rapidité peut rendre efficace. Alors ça c'est un des aspects sombres et moins connus de cette affaire. Un grand nombre de Français ont été faits prisonniers, certains pendant des années après la guerre. Alors finalement, quand il y a des prisonniers de guerre pendant la guerre, ce sont des malheureux évidemment, mais c'est toujours très très choquant de voir des prisonniers toujours prisonniers de guerre. Quand la guerre est terminée, les soviétiques avaient fait ça, avaient envoyé au goulag des anciens ennemis. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Beaucoup de prisonniers sont restés, et combien de temps sont-ils restés et comment ont-ils été traités? Bon, un certain nombre de combattants français avaient été faits prisonniers par le passé, donc il y en a qui sont un petit peu répartis sur l'ensemble du territoire. Mais ceux dont nous parlons principalement, ce sont ceux du Dien Bien Phu. Oui. Et donc ils sont 10 000 à être restés sur place. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de... on ne quitte pas Dien Bien Phu comme ça, surtout quand on a perdu. Et donc, ce que me dit Madame de Castres paraît extrêmement juste et important, c'est l'épuisement. On s'est beaucoup focalisé à juste titre sur l'état physique des prisonniers, des ex-prisonniers de Dien Phu, ceux qui restaient en vie, parce qu'un certain nombre n'ont pas eu ce privilège, si j'ose dire. Ils étaient déjà épuisés. Ils se sont battus pendant deux mois pratiquement, jour et nuit. Il y en a qui, paraît-il, mouraient debout. Et donc, la situation est extrêmement tendue. Là-dessus, on leur a imposé, mais en même temps, le Viet Minh n'avait pas nécessairement les cars pour les transporter. On leur a imposé une marche pour aller dans des camps à l'abri, si j'ose dire, d'opérations occidentales. Donc, effectivement, c'est très, très difficile. Les officiers n'étaient pas les plus maltraités. Madame de Castres, effectivement, pouvait être relativement tranquille, si j'ose dire, pour son mari et pour les officiers supérieurs. Mais en même temps, c'est vrai que l'ensemble des troupes ont été emprisonnées assez longuement et ont été leur sort a été décidé aussi à la négociation de Genève. Et en attendant, double peine pour ces soldats. Merci. Absolument. Ce sera le dernier mot. Merci infiniment. Hugues Tertrais, au revoir. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Dien Bien Phu, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires si le cœur vous en dit. Merci à Ludovic Asselot qui était à la technique aujourd'hui.